Recommençons. Après avoir étudié le troisième et le quatrième pilier, c'est-à-dire considération sur la place de la souffrance des innocents et considération sur le mystère de la providence, il y a quelques thèmes, sous-thèmes, on pourrait dire, qui sortent de cette discussion, qui sont les résultats de cette discussion. On pourrait quasiment introduire d'autres piliers, mais à mon avis, c'est les passages qui s'attachent à ces thèmes sont des passages qui sont mieux présentés sous le titre de ces deux piliers. Premièrement, la souffrance temporelle sous le mystère de la providence divine est souvent une marque de discipline. Dieu nous discipline comme un père discipline ses enfants. Surtout Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, mais ce passage cite aussi Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ensuite, la citation de Proverbe 3. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ce qu'elle a formé. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Mais ça, c'est un passage remarquable, n'est-ce pas? Si Dieu vous ne corrige jamais, vous êtes bâtard. Ce n'est pas moi qui dis cela. C'est Dieu lui-même. Et nous savons tous, n'est-ce pas, si nous sommes des parents du tout, que même si nos enfants n'aiment pas la discipline trop, quand même nous savons, en général, quand ils vieillissent, même un petit peu, même à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils savent que c'est pour leur bon, pour leur bien, n'est-ce pas? Et ils se sentent plus plus en sécurité, oui, avec une telle discipline. Ils savent, et des fois même, ils commencent à remarquer leurs copains, leurs copines, ils ne sont pas bien disciplinés, maman, hein? N'est-ce pas? Et la forme de cette discipline, ça peut être très variable, Et la Bible en parle assez souvent ailleurs. Par exemple, même la maladie peut être une marque de discipline. Selon 1 Corinthiens 11, en ce qui concerne le repas du Seigneur. C'est pour cette raison, parce que vous vous approchez de la table du Seigneur dans une mauvaise manière, quelques-uns parmi sont malades, l'apôtre Paul dit, et même quelques-uns sont morts. Dieu est plus intéressé à notre sainteté qu'à notre santé. Pour nous, en général, c'est le contraire. Ça ne veut pas dire que chaque maladie est le résultat de la discipline de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, nous avons à la fois Jean 5 et Jean 9. Jean 5, l'homme qui a été guéri après avoir été paralysé à travers 38 ans. Et à la fin, Jésus lui dit, va et arrête de pécher de peur que quelque chose de pire t'arrive. Dans Jean 9, l'homme qui est né aveugle, qui a péché, lui ou ses parents? On se demande quelle sorte de théologie ses disciples avaient. Et Jésus dit, ni l'un ni l'autre, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas le cas que chaque maladie est le résultat de la discipline de Dieu envers nous parce que nous sommes ses fils et il veut nous corriger. Mais il faut toujours au moins se demander, est-ce que c'est la discipline de Dieu envers moi parce que je suis en rébellion contre lui? Il faut toujours au moins le demander. Si nous croyons réellement à la souveraineté de Dieu, et le mystère de sa providence, on doit au moins poser la question, qu'est-ce que Dieu m'enseigne maintenant? Est-ce que ça fait partie tout simplement de circonstances ordinaires dans ce monde qui est sous la malédiction de Dieu? Est-ce que c'est la souffrance innocente? Est-ce que Dieu m'envoie une épreuve? Ou est-ce que même il y a quelque chose dans les cieux entre Dieu et Satan? Qui sait? Mais si c'est la correction, nous devrions reconnaître nos péchés, nous devrions nous repentir. À moins que vous pensiez que ces choses arrivaient seulement dans les temps du Nouveau Testament, et elles n'arrivent pas aujourd'hui. Si vous croyez réellement dans la providence de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, comment échapper à la responsabilité au moins de se poser ces sortes de questions? Et notre encouragement dans tout cela, selon ce passage, c'est que nous pouvons être certains que c'est pour notre vrai intérêt. Il y a des parents qui sont tellement méchants envers leurs enfants. Ils les corrigent seulement pour être forts ou puissants, ou pour tenir place dans la famille. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent le faire, ou ils tombent en colère, ou quoi que ce soit, mais pas avec Dieu. Jamais. C'est toujours pour notre intérêt, si nous sommes ses fils, toujours, sans exception. Donc, nous retournons encore une fois au mystère de la providence. En plus de Corinthiens chapitre 4, de Corinthiens chapitre 4. À partir de verset 7. Nous portons ce trésor, c'est-à-dire le trésor de l'Évangile. Nous portons ce trésor, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'Évangile. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Encore un passage remarquable, si on le prend au sérieux. Ça commence à aborder le sixième pilier que nous toucherons demain matin, c'est-à-dire considération au sujet de la souffrance causée par la persécution. Ce n'est pas encore ici exactement la persécution, mais c'est quand même sous la providence de Dieu, la souffrance qui nous prépare pour mieux servir le Seigneur avec l'Évangile. Nous portons ce trésor de l'Évangile, la connaissance de Dieu, dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu. Avez-vous jamais espéré ou même prié ou au moins imaginé que peut-être ça serait quelque chose de magnifique si Dieu, dans sa grâce, pouvait ôter toute fablesse que vous avez? Peut-être vous n'êtes pas suffisamment beau ou belle. Ou peut-être vous souffrez de l'arthrite. Ou peut-être vous n'avez pas les forces que vous aviez autrefois. Ou peut-être si vous aviez une meilleure voix. Ou si vous aviez plus d'énergie pour mieux étudier. Ou si vous aviez un meilleur arrière-plan. Et donc, des meilleures habitudes d'études. Vous pourriez être meilleur prédicateur et meilleur pasteur. Si votre formation n'était pas si étroite, si vous aviez au moins 4 ou 5 langues afin de vous profiter de toutes sortes de livres et de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes d'héritages, là, vous pourriez être véritablement un ministre de l'Évangile plus effectueux. Maintenant, vous prêchez à une grande assemblée de 20 personnes. Si Dieu vous donne 150, 200, pourquoi pas avec John Piper de 3000? Là, vous deviendrez réellement un bon prédicateur de la parole de Dieu. La chose qui est remarquable dans tout cela, c'est que nous imaginons que nous deviendrons plus forts ou plus effectueux ou plus riches dans l'Évangile si nous gagnons encore un grand nombre d'avantages. Mais l'apôtre Paul dit exactement le contraire. Paul sait qu'il doit être affaibli afin que la puissance de Christ soit manifestée par lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas de grâce et de dons. Oui, je le sais. Mais c'est surprenant combien de personnes qui ont une assez longue liste de dons ne reconnaissent pas leurs propres dons donnés par Dieu, mais ils visent continuellement sur leurs faiblesses et ils pensent que ces faiblesses sont une marque de, je ne sais pas, une cause de découragement, une excuse pour une manque de succès ou quoi que ce soit. L'apôtre Paul dit exactement le contraire. On se souvient du fait, par exemple, que les apôtres, quand ils ont commencé d'être persécutés, comme nous allons voir demain matin, ils se sont réjouis parce qu'ils étaient comptés dignes de souffrir. Ce n'est pas comme ça que nous pensons, hein? Que dit le texte? Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Voilà la vie triomphale d'un chrétien rempli de victoire, n'est-ce pas? Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Et ensuite, il y a implication pour les autres. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, puis il continue, ensuite un peu plus tard, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est arrivé assez souvent à travers l'histoire que, justement au moment où nous pensons que peut-être Dieu va agir par la vie d'un grand prédicateur ou par la vie d'un grand théologien ou par un grand responsable bien connu, et nous voulons être ce théologien ou ce prédicateur ou ce responsable. Dieu choisit un inconnu quelque part, sans grande formation. Et ce n'est pas que c'est la manque de formation qui le prépare, mais Dieu trouve qu'il n'est pas prêt à partager sa gloire. Il donne sa puissance à ceux qui se connaissent faibles. J'aime travailler avec le bois. Quand mon garçon avait 14 ans, 15 ans, il jouait du violon et d'autres instruments. Il est pas mal doué. Mais il avait l'habitude d'essayer un autre instrument. Après quelques semaines, c'était remarquable. Il pouvait le jouer au moins pour s'amuser assez bien. Hein? Il était loin d'être expert. Il devenait de plus en plus expert quand il jouait du violon. Mais les autres instruments, c'était seulement pour s'amuser, mais ce n'était pas pire. Il a une bonne oreille. Puis il a acheté, ça lui a coûté 7 $. Un Irish penny whistle. C'est une espèce de, un petit flûte, mais ce n'est pas véritablement une flûte. C'est un Irish penny whistle, je ne sais pas comment on dit ça. Ça vaut presque rien. Un pipeau, oui, 7 $. Puis c'était surprenant après quelques semaines comment il pouvait jouer cela. Puis en fin de compte, il m'a dit un jour, « J'aimerais que tu construises pour moi une vraiment belle boîte pour mon instrument, pour mon pipeau. » Je dis, Nicolas, misère, 7 $. Je pourrais t'acheter une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de ces pipeaux pour le prix de construire véritablement une belle boîte. Oui, mais it would be cool. Je ne sais pas trop. Traducteur. Ce serait vraiment chic hein, d'avoir une boîte comme cela. Donc, j'ai acheté le meilleur bois. Et j'ai construit une boîte lined velvet, velours. C'était bien construit. J'ai passé des heures et des heures sur cette petite boîte. Et avec une plaque, avec son nom dessus, bien poli. C'était vraiment beau. Je crois, avec mes heures de travail, tout cela, que ça vaut à peu près 200-250 $. Hein? Et quand je lui ai donné la boîte, j'ai dit, voici la boîte, je vais l'appeler l'anti-évangile boîte. Il dit, quoi? C'est ton anti-évangile boîte. Il dit, pourquoi? Parce que dans le cas de l'évangile, le trésor est à l'intérieur. Mais nous autres, aujourd'hui, nous voulons tellement souvent nous améliorer à l'extérieur. Mais pour ceux qui évaluent les affaires du point de vue de l'Évangile, ce n'est pas l'extérieur qui est tellement... Ce n'est rien qu'une vase de terre qui va redescendre à la poussière. Mais notre trésor, c'est à l'intérieur, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu. Donc, même ces sortes de souffrances, qui sait ce qu'ils sont? Des expériences qui nous écrasent, qui nous désemparent. Quoi? Les expériences de l'apôtre Paul qu'il mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 11? Des fois battu, des fois découragé par les saints, des fois faim même. Toutes ces expériences le préparent d'être plus riche dans son intérieur, plus profonde dans l'Évangile. Et ce principe est facile à voir à maintes égards, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout simplement dans l'exposition de l'Évangile. Mon épouse, j'ai mentionné brièvement, a subi le cancer. Elle a subi 2 mastectomies, toutes sortes de complications. Elle est presque morte 2 fois. Mais non, c'est pas pire maintenant. Mais qui sait? Peut-être qu'elle va vivre plus long que moi, peut-être que non, qui sait? Nous ne vivons pas avec grande crainte. Dieu est encore souverain. Mais ce que j'ai remarqué, elle est elle-même devenue un ange pour d'autres personnes qui souffrent du cancer. N'importe quelle femme qui a un cancer semblable, elle commence avec une lettre d'entre 4 et 8 pages que nous avons écrite ensemble. « Ma chère sœur en Christ, je veux partager quelque chose. » Toutes sortes d'indices, toutes sortes de suggestions, même au niveau de l'aide physique. Il y a toutes sortes de choses que, franchement, les médecins n'expliquent pas. Je regrette si vous êtes médecin, mais c'est vrai. Et parce qu'elle a tellement souffert de toutes sortes de complications, on les a tous découverts. Puis on a fait des notes et tout cela. Comment réagir à un mari qui maintenant... Il trouve que son épouse ne s'intéresse plus au sexe, ou elle est tellement faible et malade. Comment parler de cela? Et ensuite, des leçons à prendre du point de vue spirituel. Quelle sorte de verset aide une telle femme? Et en plus, elle offre d'aller la visiter. Des fois, c'est elle et moi ensemble visiter la femme et son mari, les conseiller. Elle est devenue une ange, en effet, pour un grand nombre de femmes, ce côté-ci. Est-ce que c'est sous le mystère de la providence de Dieu, cela? Aussitôt qu'on soulève la question, nous avons la réponse, si nous croyons que Dieu est souverain et qu'il est bon, n'est-ce pas? Et il y a trois ans, un de ces couples que nous avons aidé un petit peu, un homme et une femme, 2 chrétiens sincères et mûrs, ce couple nous a invités d'aller souper avec eux. C'était bien évident, ils avaient un agenda. Nous ne savions pas ce que c'était, mais il y avait un but de tout cela. Ce n'était pas tout simplement parce qu'ils étaient des amis. C'était bien évident. Puis nous avons mangé ensemble. Puis à la fin, le couple nous a dit, nous avons décidé que pour vous remercier, nous voulons donner des bourses d'études pour les étudiants de troisième cycle à Trinity Evangelical Divinity School qui veulent prendre leur doctorat de troisième cycle. Nous voulons donner un quart de million de dollars pour arranger ces bourses d'études. Est-ce possible? Oh non, j'ai dit pas possible. Et ils ont insisté que ces bourses d'études, ça c'est un peu gênant, soit dans le nom de Don and Joy Carson, the Don and Joy Carson Scholarship Fund for Doctoral Students. C'est ridicule. Moi, je n'ai pas un quart de million de dollars pour une bourse. Ceux autres qui ont payé, et c'est dans mon nom et le nom de mon épouse. C'est presque ridicule. Mais deux étudiants par année sont complètement, leur tuition est complètement payée à travers 3-4 ans. Puis on ajoute deux davantage chaque année, à cause du concert de mon épouse. Est-ce que c'est le Dieu de Providence ou quoi? Eh bien, de ces femmes ont aidé d'autres personnes. Ce n'est pas que mon épouse n'était pas gentille avant son cancer. Mais quand même, c'était son cancer qui l'a préparé pour aider d'autres, n'est-ce pas? Des fois, nous voulons tellement éviter toutes sortes de souffrances, et tout ce que ça signale, c'est que nous ne sommes pas préparés pour aider ceux qui souffrent. Parce que c'est un monde où il y a la souffrance, après tout. N'est-ce pas? Toujours être fort, toujours sans découragement, toujours sans larmes, toujours l'héros, toujours rempli de victoire. Même nous écoutons des sermons de prédicateurs qui prétendent que si vous les suivez, donc vous serez tellement vainqueurs que vous n'aurez pas les troubles des autres. Ça garantit tout simplement que vous n'allez pas être capable d'aider les autres. C'est si simple que cela. Parce que ces faiblesses ici préparent l'apôtre Paul pour aider les autres, sous le mystère de la souveraineté de Dieu. Maintenant, ça ne garantit rien, ces souffrances, parce qu'il y a des personnes qui souffrent comme cela et qui deviennent tout simplement plus amères. La même souffrance qui peut faire grandir un chrétien sincère peut rendre amer quelqu'un qui est toujours en rébellion. Donc, ce n'est pas la souffrance et la souffrance seule qui garantit quelque chose. Donc, il faut poser au moins la question, quand nous souffrons, comment réagissons-nous? Quand elle était tellement malade, elle ne pouvait pas se laver, elle ne pouvait pas se lever de son lit, elle ne pouvait rien faire. Des amis en Angleterre lui ont envoyé une boîte de petits cadeaux. Chaque cadeau bien préparé, bien wrapped, bien emballé, avec des rubans, peut-être un stylo, ou peut-être un morceau de sucre, ou peut-être un chocolat, rien, des petits cadeaux de presque rien, tous emballés avec des rubans, une quarantaine, avec la suggestion qu'à la même heure, chaque jour, elle ouvre un cadeau. Parce que si vous connaissez ces patients, c'est l'heure après heure de souffrance. Et ça prend des choses régulières dans leur vie pour donner une espèce d'ordre et de persévérance. C'était une toute petite chose. J'avais des lumières d'or dans la neige. des lumières de Noël qui étaient sur un timer électronique. Donc, les lumières s'allumaient à la même heure chaque jour. Elle attendait pour 7 heures, 5 heures 13 minutes de l'après-midi. Et maintenant, parmi quelques-uns de nos copains qui ont souffert le cancer, c'est ce que nous faisons. Nous envoyons des boîtes. Quelques-uns parmi vous, vous allez connaître le nom de Peter O'Brien. C'est un grand commentateur, un érudit remarquable. Il a 71 ans, 72 ans. Il a été missionnaire aux Indes. Il enseigne le Nouveau Testament à Moore College, à Sydney, l'Australie. Il a écrit plusieurs commentaires. Son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, à mon avis, c'est le meilleur qui n'a jamais été écrit. Et quand il a souffert le cancer, nous avons envoyé une boîte comme cela. Un cadeau par jour, un petit rien. Savez-vous, une de ses filles et son mari est missionnaire à Paris, Xavier Lukens, une autre fille est missionnaire en Italie. Et tout cela à cause du cancer de mon épouse. Il faut apprendre de la souffrance. Des fois, c'est la discipline de Dieu qui nous protège, qui nous corrige. Des fois, tout simplement, ça nous enseigne, sous le mystère de la providence, que le trésor est à l'intérieur. Ce n'est pas nos corps. Si nous préservons nos seins ou non, qui détermine que nous sommes femelles ou non. Comment dire ces choses en public? Afin que la puissance de Christ soit répandue par nous. Parce qu'après tout, nous allons tous mourir. Soit à l'âge de 48 ans, quand le cancer a débuté chez mon épouse, ou à l'âge de 80 ans. Franchement, ça ne fait pas grande différence, c'est toujours trop tôt. Mais est-ce que nous nous fions à celui qui est toujours sage, toujours bon, toujours souverain, dans un monde sous la malédiction de Dieu? Mais nous sommes le peuple de l'Alliance. Et nous nous fions à lui parce que nous savons que dans le mystère de la providence, il est souverain, on peut se fier à lui, il est toujours bon et il agit pour notre bien. Voilà, c'est un choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez réagir? Ou quand il y a des disputes et des divisions dans l'Assemblée, est-ce que vous allez être among les personnes qui deviennent de plus en plus amères ou de plus en plus orgueilleuses ou de plus en plus difficiles? Ou est-ce que vous deviendrez de plus en plus remplis de la joie du Seigneur, de plus en plus remplis de l'Évangile, de plus en plus rempli d'un amour même pour les ennemis? C'est facile d'être un ami avec ceux qui nous aiment. N'importe quel païen peut faire cela. Donc, même quand il faut exercer la discipline dans l'Assemblée, est-ce que c'est avec larmes ou avec un désir pour le pouvoir? Si nous suivons l'exemple de l'apôtre Paul ici, et nous nous fions à Dieu parce qu'il est sage, il est bon, il est pur, il est saint. Et il veut que sa puissance soit manifestée par nous, pour le bien des autres. Ça change complètement l'attitude, n'est-ce pas? Il y a des choix à faire ici, frères et sœurs. Des choix évangéliques. Et même ces maladie sous la souveraineté de Dieu. Je pourrais vous donner bien des passages. Nous prépare pour les cieux, des fois, n'est-ce pas? Ma mère est morte des complications d'Alzheimer's disease. Alzheimer? Oui? Ça lui a pris 9 ans pour mourir. Puis à la fin, elle ne reconnaissait personne. Donc, franchement, à ses funérailles, il n'y avait pas de larmes. Nous avions déjà dit nos bonjours, nos au revoir. Mon père, quelques années plus tard, il est devenu malade avec la grippe. Et 6 semaines plus tard, il était malade. Il était mort. 6 semaines. Mais c'était beaucoup plus difficile pour la famille. C'était si vite, vous savez. Il prêchait encore. Il faisait la visite, visitait la famille, conseillait le monde. Il avait 81 ans, puis il était fort et sage. Et tout d'un coup, il était parti. Donc, j'ai appris quelque chose. Souvent, une maladie prépare non pas tout simplement la personne, mais la famille pour le départ. Ça peut être un don de Dieu dans cette vie mortelle. Au moins, j'avais quelques semaines. Dans le temps, je demeurais en Angleterre. Mon frère m'a téléphoné. Il m'a dit, « Il me semble que c'est temps. » Je suis retourné à Hull. Puis j'avais quelques jours avant qu'il est mort pour prier avec lui, pour lui dire merci, pour l'aimer. C'est une grâce, cela, une maladie comme cela. Et même la souffrance, et il souffrait, même la souffrance lui donnait l'envie de voir son Seigneur. Et pas seulement les petits-enfants. Encore une grâce. C'est-à-dire, essayer de voir la vie, de faire des évaluations sous le mystère de la providence de Dieu. Vous voyez? Ça prend une perspective éternelle. Ça prend une perspective qui a confiance que Dieu fait toujours le bien. Ça prend une perspective élémentaire de foi, n'est-ce pas? Vous savez ces choses aussi bien que moi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous, en général, nous n'en parlons pas assez dans l'Assemblée? Ça fait partie de vivre et de mourir. Ça fait partie de se soumettre devant la puissance et la gloire et la sagesse et la souveraineté d'un Dieu tout-puissant qui est bon, qui est fiable. Si nous croyons ces choses, ça change tout, n'est-ce pas? Et sans doute, nous pourrions maintenant prendre 3 heures facilement pour entendre nos histoires, nos expériences, de l'expérience de la grâce de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Eh bien, avez-vous des questions à cet égard avant de terminer ce soir? Complètement, je suis complètement d'accord. Je vais le mentionner davantage demain, mais je vais dire ceci déjà. Ce cours que je donne sur la théologie de la souffrance, ce n'est pas un cours qui devrait être donné à ceux qui souffrent. C'est un cours plutôt pour préparer les chrétiens avant qu'ils souffrent. Si ces piliers ne sont pas en place avant qu'arrive la souffrance, essayez de les donner dans le temps de souffrance. Presque toujours, pas toujours, j'ai vu quelques exceptions, mais presque toujours, on n'arrive pas. Ils ne sont pas prêts à les entendre, à les écouter. Ils sont tellement remplis de blessures, ou d'amertume, ou de cris, de souffrances physiques, quoi que ce soit, hein, que franchement, ils ne peuvent rien entendre. Mais si ces piliers sont en place déjà, ça fait partie de ce que c'est le vrai christianisme pour eux. Ça fait partie de leur confession de foi. Ça fait partie de leur habitude de se fier à Dieu. C'est déjà là, c'est déjà bien enraciné dans leur vie. Donc, lorsqu'ils souffrent, oui, ils ont la souffrance, il y a des larmes et tout cela. Mais ils ne souffrent pas aussi de leur ignorance sur la parole de Dieu, au moins. Donc, la raison pour ce cours, ce n'est pas pour vous donner des réponses, des clichés pour bénir ceux qui souffrent dans vos ministères. C'est pour vous encourager d'enseigner tout le conseil de Dieu pour préparer les membres de l'Assemblée avant que ces heures arrivent, parce que ces heures certainement vont arriver. Et j'annonce toujours que c'est une hérésie abominable. Nous suivons un Christ crucifié. C'est une hérésie abominable. Il faut le répéter. C'est une hérésie abominable. Et par notre enseignement, par notre exemple, même en montrant de la parole de Dieu qu'être plus que vainqueur, chez Romains 8, c'est dans le cadre de souffrance. Être plus que vainqueur, dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a un si grand foi que franchement il n'y a pas de problème parce que Dieu me donne la délivrance tout le temps. Non, la délivrance, pour celui qui est vainqueur dans Apocalypse chapitre 2 et 3, c'est celui qui persévère dans la face de persécution et de souffrance. Donc, c'est une hérésie. Le monde ne connaît pas leur Bible. Donc, ça veut dire tout simplement qu'encore il y a une responsabilité des responsables pour enseigner toute la parole de Dieu. Quoi dire? C'est une hérésie. Et je choisis le mot hérésie prudemment. Je n'utilise pas ce mot trop souvent. Je ne dis pas tout simplement « c'est une erreur ». C'est une hérésie, c'est-à-dire « ça condamne, ça dame, ça damne, ça... » Oui. Parce que si nous croyons réellement à cela, nous ne croyons pas réellement à l'Évangile. Souvent, est-ce que vous avez entendu la question? Oui. Souvent, dans l'expérience, ce que nous remarquons, c'est qu'un chrétien commence avec l'amertume et dans la grâce de Dieu, c'est la souffrance qui lui démontre comment devenir un peu plus humble. Je ne voudrais jamais suggérer, par exemple, que quand nous passons par des souffrances, que même des chrétiens mûrs sont toujours fidèles, ils ne sont pas tentés par l'amertume, il n'y a pas de moment de désespoir ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est en combattant ces choses, en luttant avec la voix du diable à cet égard, que nous apprenons comment répondre avec fidélité, avec l'humilité, avec action de grâce envers Dieu. Mais je ne voudrais jamais donner l'impression que c'est facile, ça, ou qu'il y a de victoire dans la persévérance d'un côté, de la souffrance à l'autre. Ce n'est pas si facile que cela. Mais je dis quand même qu'il y a une tendance, il y a une direction, il y a une priorité qu'on ne voit pas parmi ceux qui nourrissent toujours l'amertume. J'arriverai à ce point davantage demain, mais je vais citer un passage maintenant et je reviendrai à ce point, Dieu voulant, demain. Philippiens chapitre 1, nous lisons. Car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ça, c'est un passage remarquable, n'est-ce pas? Dieu nous donne la grâce, non pas tout simplement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. C'est une grâce. Il faut parler de ces choses. Ce n'est pas nécessaire que nous parlions de ces choses immédiatement, mais dans toute notre présentation, dans nos valeurs, dans notre direction, dans notre conversation, dans notre prédication, dans nos études bibliques, ces questions sont soulevées par la parole de Dieu un peu partout, comme nous avons vu. C'est pas rare, ça. Et nous allons voir demain si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Quoi faire avec des passages comme cela? Eh bien, nous allons aborder cette question un peu plus davantage demain matin. On commence avec un texte. 2 Corinthiens chapitre 12, je veux dire. 2 Corinthiens chapitre 12. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, et ainsi de suite. Remarquez bien. Il m'a été mis. C'est ce que nous appelons en grec un passif divin. C'est-à-dire, il m'a été mis par Dieu. C'est sous sa souveraineté. C'est-à-dire, ça fait partie du mystère de la providence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu s'était couché ce jour-là, puis monsieur le diable, lui, il a envoyé des épines ou des écharpes. Mais il m'a été mis, c'est-à-dire par Dieu, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Une chose que je n'ai pas mentionnée ce matin sous le titre « Le mystère de la providence » parce que ça aurait ouvert toute une autre discussion qui commence à être de plus en plus philosophique. Il faut insister que Dieu se trouve derrière le bon et le mal. Il est souverain. Mais sa manière de se tenir derrière le bon et le mal est asymétrique. Il se tient derrière le bon dans un sens tellement immédiat que le bon vient de lui et doit être crédité à lui. Il se tient derrière le mal dans le sens que il y a toujours d'autres agents qui font le mal, mais lui ne le fait jamais. Et nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 50, n'est-ce pas? Dieu avait bonne intention, les frères avaient mauvaise intention dans les mêmes événements. Donc, il faut insister que Dieu est souverain. Même il est souverain derrière toute chose maligne. Mais que ce mal n'est pas chargeable à lui, toujours aux agents secondaires. Toujours. S'y inclut le diable. S'y inclut les ennemis. Si Dieu n'est pas encore en charge, ça ne vaut pas la peine de lui demander de salut. Qu'est-ce qu'on prie si on pense que Dieu est seulement derrière les bonnes choses, mais dans aucun sens il est derrière les autres choses? Pourquoi est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on dit, est-ce que tu peux lutter un peu plus fort contre le diable? Nous n'avons pas d'espérance que Dieu va nous donner la victoire contre le diable ou la grâce pour le subir ou quoi que ce soit, à moins qu'il est véritablement souverain. Mais quand même, il faut insister à la fois qu'il est bon et que le mal n'est jamais chargeable à Dieu. Je sais que ça devient plus compliqué. Maintenant, ça soulève toute une autre liste de questions doctrinales et philosophiques et tout cela. Mais j'insiste que les deux propositions que j'ai mentionnées sous le thème « Le mystère de la providence », ils ont quelques sous-propositions aussi que j'aurais pu adapter et élargir un petit peu, et c'en est une. Dernière question. Oui. Et je comprends ce que ça veut dire. Je comprends ce que ça veut dire. Et je ne voudrais pas l'éliminer complètement. Des fois, ce que le monde dit par cela, c'est à peu près la même chose que je viens de dire, mais dans un sens moins rigide, moins mûr. On parle de la volonté dans plusieurs sens. Ce n'est pas ce qu'il a véritablement voulu, mais il le permit. Oui, oui, oui. Mais, à la fois, il faut dire quelque part, n'est-ce pas? Si Dieu sait que s'il permet quelque chose, une certaine chose arrivera, et il le permet, et il ne décide pas de ne pas le permettre, et il sait que ça va arriver, comment y a-t-il une différence entre une permission et un décret de Dieu? Décret? Oui? Donc, on commence à pousser les barrières de notre connaissance de la volonté divine, là. Mais quand même, Dieu n'est pas tout simplement souverain, il est personnel. Et parce qu'il est souverain et personnel, il n'est pas tout simplement une force. Et parce qu'il est personnel, nous parlons de ses amours, de sa volonté, de son interaction, il s'interagit avec nous. Et donc, nous avons ces difficultés à exprimer ces choses parce qu'il est à la fois souverain et personnel. Et notre expérience de ce qui est personnel est toujours finie. Mais avec Dieu, il est personnel et infini. Qu'est-ce que ça signale? Franchement, j'ai presque aucune idée. Et donc, il y a tout un autre niveau de la doctrine de Dieu que je n'ai pas abordé ici du tout, mais dans un bon cours sur ce sujet, et pas de 3 jours, il faudrait aborder ces questions, vous voyez? Et il y a de bonnes réponses de ces choses dans la parole de Dieu, mais comme ça, tout notre temps sera sur un corps d'un pilier, et probablement ce ne sera pas sage dans un survol. Est-ce que c'est du tout? Oui? C'est déjà 9h05. Est-ce que ça veut dire que nous devrions commencer demain matin à 9h05? Bon, eh bien, à demain.